Le conseil du prix international Kim Jong-il a offert le 16 un banquet consacré à la tenue de la cérémonie de remise du prix international Kim Jong-il. Y ont été conviés Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti Travail de Corée et des officiels concernés, Ogami Kenichi, secrétaire général de l'Institut international des idées du jeté et sa suite. Y était présent aussi le secrétaire général du dit conseil et sa suite, l'administrateur du conseil, le rédacteur en chef du journal russe Zavtra, administrateur du conseil et sa suite.